Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la venue de Yasser Arafat à Paris les 2 et 3 mai 1989. En décembre dernier, l'Assemblée nationale a voté la reconnaissance de l'État palestinien, ouvrant une nouvelle fois les dossiers du Proche-Orient que chaque gouvernement reçoit, toujours un peu plus épais depuis plus d'un demi-siècle. L'histoire du peuple palestinien sans terre et sans État, c'est aussi une passion française, un sujet de débat très vif au sein même de la société. Sur ces guerres au Proche-Orient, entre Arabes et Israéliens, on a beaucoup lu, débattu, on a manifesté parfois, on a signé des pétitions, des appels contre toutes ces violences perpétrées au Proche-Orient. Ce voyage en France de Yasser Arafat en 1989 a marqué les esprits et fait penser à une paix possible. 26 ans plus tard, la situation ne s'est pas améliorée, d'aucuns diront même qu'elle a empiré. Pour en parler avec nous après le récit, nous recevrons Jean-Pierre Filiu, professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po et auteur entre autres ouvrages de Mitterrand et la Palestine et de l'histoire de Gaza. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyen Nguyen, Jérôme Chélius, Julien Caraballona, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. De 1948 à nos jours, la guerre au Proche-Orient entre Israéliens et Arabes est un quotidien que l'on partage de loin et qui surgit de temps à autre dans nos pages de journaux. Sous les drapeaux de ces deux camps, des figures apparaissent et deviennent nos portes d'entrée pour essayer de comprendre ces guerres. Quand on parle d'Israël, ce sont les visages de Golda Meir, Ben Gourion ou de Rabin qui nous viennent à l'esprit. Mais quand on pense aux Palestiniens, c'est celui d'un petit homme à la moustache noire, coiffé d'un keffieh noir et blanc, un ceinturon avec une arme autour de la taille, un homme qui s'appelle Yasser Arafat. La première fois qu'on a entendu parler de lui, c'était en 1968, après la guerre des six jours, dans un camp palestinien à Karamé, en Jordanie. Al-Fatah, le mouvement de libération de la Palestine, qui veut dire la conquête, lutte les armes à la main contre une offensive israélienne. Arafat perd de nombreux hommes, mais résiste et oblige l'armée israélienne à quitter ses positions, laissant ses soldats morts et ses chars. Karamé devient un symbole, Arafat un visage, une icône. Il fait la une du Time américain. Un an plus tard, il prend la tête de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. En 1970, les Palestiniens représentent un peuple de plus de 3 millions d'âmes, partagés entre réfugiés et habitants de territoires israéliens ou occupés. L'OLP sous Yasser Arafat a deux visages, celui du terrorisme, des défaites et des revers militaires, des camps de réfugiés et des départs précipités, mais aussi celui des victoires diplomatiques, d'une reconnaissance qu'Israël n'arrive pas à endiguer. L'année 1974 marque un premier tournant. Au mois d'octobre, l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît l'OLP comme représentant du peuple palestinien. La France vote pour. En octobre, en plein débat international sur la venue ou non de Yasser Arafat à la tribune de l'ONU, c'est la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean Sauvagnargues, qui brise la glace et qui rencontre le leader palestinien. Le 22 octobre 1974, au journal de 20h de la première chaîne, les Français découvrent le personnage. Il est interrogé par le journaliste Dominique Baudis. Nous attendons essentiellement des Nations Unies une rectification. Ce conflit n'est pas un conflit israélo-palestinien, israélo-jordanien, israélo-syrien, mais il s'agit bel et bien du problème du peuple palestinien et de la terre palestinienne. Il s'agit bien d'une rectification et d'un retour à la réalité du vrai problème, du vrai conflit du Proche-Orient. Certes, jusqu'à présent, il ne s'agit que d'une simple résolution aux Nations Unies, mais déjà, elle représente une rectification des concepts internationaux du problème palestinien. C'est un pas sur le chemin de ce long combat que nous menons. Ce chemin s'arrête à New York, le 13 novembre 1974. Pour la première fois, Yasser Arafat s'exprime à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il commence un long discours liant histoire et avenir. Il prône la paix et la révolution par les armes. Puis, il fixe l'horizon, celui d'un État palestinien souverain et démocratique, rassemblant juifs, chrétiens et musulmans, mais sans Israël. Moins de 10 jours plus tard, la résolution 3236 reconnaît le droit des Palestiniens à l'autodétermination, la souveraineté et l'indépendance nationale. Mais Israël et les Palestiniens ne trouvent toujours pas le chemin de la paix. La guerre s'exporte même. En 1982, à Beyrouth, lors de l'invasion israélienne, Yasser Arafat doit s'enfuir sous protection des forces internationales. Et c'est l'exil. 5 ans plus tard, c'est à Gaza que les Palestiniens reprennent la lutte, mais de façon différente. Le 9 décembre 1987, des jeunes se révoltent à coups de pierre contre l'occupant israélien. C'est l'intifada. La révolte des pierres commence. Le sort des Palestiniens des territoires fait la une chaque jour. Sur les images, on constate la répression parfois aveugle et implacable des autorités israéliennes. Plus tard, à la tribune du Parlement européen, Yasser Arafat appelle à la paix des braves, puis le 15 novembre 1988 à Alger, il lit la déclaration d'indépendance de la Palestine. Il adopte la formule de 2 États et reconnaît implicitement Israël. Le 13 décembre de la même année, il s'exprime une nouvelle fois à la tribune de l'ONU, 14 ans après son premier passage, et déclare qu'il renonce totalement au terrorisme. En pleine intifada, dans un contexte de répression et d'assassinat, Yasser Arafat ouvre la voie vers la paix. Dès le lendemain, le président français, François Mitterrand, réagit à ses déclarations lors d'un sommet franco-africain à Casablanca. C'est très important que l'OLP ait proclamé la création d'un État palestinien, qu'elle ait adhéré aux résolutions 181, 242... 338 des Nations Unies, qu'elle ait admis le droit d'exister d'Israël, qu'elle ait condamné le terrorisme. Ainsi a-t-elle, à mes yeux, acquis la représentativité que certains lui déniaient, que la France lui reconnaît. Ainsi, les conditions paraissent-elles remplies pour que puisse se tenir la conférence internationale que j'appelle de mes voeux depuis plusieurs années. Le 28 mars 1989, Hubert Védrine, le porte-parole de l'Élysée, annonce qu'une rencontre à Paris entre Yasser Arafat et François Mitterrand aura lieu avant la fin de l'année. Tout un symbole, c'est de l'année 1989, celle du bicentenaire de la Révolution, de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, de la célébration de la renaissance d'une nation. Le 24 avril, les invitations sont envoyées à la presse. La visite du président de l'OLP aura lieu 8 jours plus tard, du 2 au 3 mai 1989. Dès l'annonce de la nouvelle, un vent de protestation souffle dans la capitale, notamment au sein des associations juives. Le 19 avril déjà, un appel publié dans Le Monde fait grand bruit. Les signataires, tous représentants d'associations juives, dont le grand rabbin de France et le président du CRIF, s'indignent de la venue d'Arafat, qu'ils considèrent comme un terroriste. Nous souhaitons que la France ne perde pas son âme dans des initiatives médiatiques peut-être sans lendemain, disent-ils. Même son cloche du côté des autorités israéliennes comme Eliyahu Ben Elsar, président de la commission des affaires étrangères et de la défense à la Knesset. Si cette rencontre a lieu, la France ne sera plus la France. Elle sera simplement mal représentée. Ça me rappelle le pire des souvenirs de l'Europe des années 30. Depuis longtemps, le président Mitterrand est considéré en Israël comme un ami. Mais s'il rencontre le pire des ennemis d'Israël, je ne sais pas si on pourra continuer à l'appeler un ami d'Israël. La déclaration est cinglante, mais révèle toute la rancœur des autorités israéliennes contre le président français, qu'elles considèrent, vous l'avez entendu, comme un ami et un allié de longue date. En 1972, c'est en tant que premier secrétaire du Parti socialiste que François Mitterrand découvre Israël à l'invitation du Parti travailliste. Il revient 10 ans plus tard en tant que chef de l'État. Ce voyage constitue la première visite officielle d'un président français en Israël. Et devant la Knesset, François Mitterrand prononce l'un de ses discours les plus célèbres. Je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment l'OLP, par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle déniera le principal et le droit d'exister et les moyens de sa sécurité à Israël? Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle du droit de l'autre à l'existence, le renoncement préalable et mutuel à la guerre directe ou indirecte, étant entendu que chacun retrouvera sa liberté d'agir en cas d'échec. Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État. 7 ans plus tard, la feuille de route imaginée par le président français semble en partie remplie. C'est pourquoi il accepte la venue de Yasser Arafat, malgré les résistances de certains de ses proches, les résistances d'Israël et d'une partie de la communauté juive de France. Alors, qu'espère François Mitterrand? A-t-il un plan pour faire avancer le dialogue israélo-palestinien? Le 2 mai, l'avion de Yasser Arafat atterrit à Paris. Sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, Thierry Lebossé, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, attend. C'est lui qui a la charge d'accueillir le représentant palestinien. Dans le pavillon d'honneur, une centaine de diplomates arabes, africains et asiatiques attendent aussi l'arrivée de l'avion parti ce matin de Tunis, sous escorte française. En fin de matinée, l'appareil blanc et vert atterrit. On fait tourner la caméra, on tend les perches, la porte s'ouvre. C'est Ibrahim Sousse, le représentant de la Palestine en France, qui accueille et salue son chef en haut de l'escalier. Puis Yasser Arafat pose le pied sur le tapis rouge disposé pour l'occasion. Le chef de l'OLP reçoit ensuite des fleurs des mains de deux enfants. Après un passage au pavillon d'honneur, il monte à bord d'une 604 métallisée ornée d'un fanion palestinien, direction l'Élysée. À Paris, ce sont les sirènes de boutiques juives qui célèbrent à leur manière l'arrivée de Yasser Arafat. À la demande du collectif contre la venue du président de l'OLP, des centaines de boutiques juives baissent leurs rideaux. Dans le quartier du Sentier, tout le monde répond à cet appel. Est-ce qu'on peut vraiment attendre de M. Arafat des gestes significatifs et des actions concrètes? Ce mouvement répond tout simplement à un émoi, à un choc ressenti de manière très, très forte par la communauté juive. Et c'est une réaction à une invitation et à une présence qui nous choque. On est contre l'avenue d'Arafat en France et c'est honteux qu'un président français reçoive un terroriste. Si Arafat était un représentant estimé de tous les musulmans ou de tous les siens, les palestiniens, c'était possible. Mais quand on voit le désordre qui règne au sein de cette organisation qui essaye de s'implanter, c'est encore prématuré. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Maintenant, on va aller manifester un petit peu, comme tout le monde. On va aller là-bas, à Copernic. Pendant 2 jours, ils écumeront les rues de Paris, de rassemblement en rassemblement. Ils seront au Trocadéro, rue des Rosiers, rue Copernic, dans tous les lieux de mémoire de l'histoire juive parisienne. Pendant 2 jours, le front entre Israéliens et Palestiniens abreuve les médias dans une guerre de mots, une guerre d'images. C'est vrai que le jour est mal choisi, ou du moins maladroit. Le 2 mai, c'est la date de la commémoration de l'Holocauste en Israël. Il est un jour de mémoire et de souvenir pour les Juifs du monde entier. Au journal de 8h, sur France Inter, le représentant de la Palestine en France, Ibrahim Sousse, tente malgré tout de désamorcer la polémique. Cette visite a lieu le jour de la commémoration de l'Holocauste. Fortuitement d'ailleurs. Mais c'est une occasion pour nous de réaffirmer notre solidarité avec la souffrance juive passée, notre solidarité et notre responsabilité à assumer, comme tous les hommes doivent l'assumer, ce terrible héritage que fut l'Holocauste. C'est un héritage commun à toute l'humanité. Pas parce que nous sommes impliqués, nous sommes innocents du sang des martyrs juifs, mais nous estimons qu'il faut être vigilant, et pour être vigilant, il faut assumer ses responsabilités en tant qu'homme. Et je saisis cette occasion pour lancer un message aux Juifs de France, pour leur dire, ouvrez les yeux, cessez de cacher le soleil avec un doigt, venez faire la paix. Mais si vous voulez rester à 2000 km de distance et vociférer contre la paix, vous n'avez pas le droit. Oh, y a le monde, y a le monde. 2 mai 1989, vers 11h, la voiture officielle qui transporte Yasser Arafat arrive dans la cour de l'Élysée. François Mitterrand l'attend dans un salon. Ni tapis rouge, ni garde républicaine, ce sont les crépitements des photographes du monde entier qui accueillent le leader palestinien. De toute façon, le protocole, l'art de la diplomatie, des titres et des cérémoniaux ne comptent pas ici, non. Ce qui compte, c'est le micro ou la caméra pour être entendu et repris. Et une caméra est là, bien sûr, pour réaliser quelques plans entre les deux hommes à destination des chaînes du monde entier. Débute ensuite une conversation à huis clos d'1h30. À la sortie, Yasser Arafat arbore un large sourire sous son keffieh. Il pose de nouveau, s'amuse avec les journalistes et déclare simplement « It was a successful meeting ». Bien, mais que se sont-ils dit ? C'est le porte-parole de l'Élysée, Hubert Védrine, qui donne des premiers éléments de réponse. Au cours de l'entretien, M. François Mitterrand a noté que le maintien en vigueur de la charte de l'OLP, adoptée en 1964, était contraire sur des points importants au programme politique adopté le 13 novembre 1988 par le Conseil national palestinien d'Alger et qu'il convenait à ses yeux de mettre les choses au net. Mettre les choses au net, eh bien c'est tout le travail de Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères qui accueille ensuite le convive du jour et les diplomates qui l'accompagnent. Malgré les avancées des derniers mois, un dernier point bloque effectivement pour une partie de la communauté internationale, c'est la charte de l'OLP. Adoptée en 1964, puis amendée après la guerre des six jours, cette charte dite nationale est le texte fondateur de l'OLP. Et s'il ne mentionne pas, noir sur blanc, la destruction d'Israël, il en dessine tout de même les traits en prônant la lutte armée et l'élimination de la présence sioniste de Palestine. Lors de son entretien, Roland Dumas en discute avec Yasser Arafat. Il lui propose une formule qui fera date. Yasser Arafat la note sur un petit carnet et promet d'y réfléchir. Le soir même, pendant que le président du CRIF, Théo Klein, est en direct de la rue Copernic, là où 9 ans plus tôt, une bombe avait éclaté devant la synagogue, Yasser Arafat est interrogé en duplex de l'Institut du Monde Arabe par nos confrères de TF1. Il est question, évidemment, de l'avenir de la charte. La réponse de Yasser Arafat est historique. Il faut qu'il soit clair que j'ai été élu sur un programme politique. Ce programme politique se fonde sur la base de deux États. Quant à la charte, je crois qu'il y a une expression française. C'est caduc, on dit en français, je crois bien. C'est caduc. Et c'est ainsi que l'expression française caduc fait le tour du monde. Alors dans chaque rédaction, on sort le dictionnaire pour décoder au plus juste l'emploi de cette expression française. Caduc, c'est-à-dire obsolète? Cela veut dire abrogation de la charte? C'est la question centrale. En tout cas, Arafat vient de faire un pas vers la paix qui laisse pantois ses adversaires du jour. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la venue de Yasser Arafat à Paris en mai 1989. Notre invité, à qui nous donnerons la parole dans 5 minutes, c'est Jean-Pierre Filiu, professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, historien spécialiste du Proche-Orient d'aujourd'hui. Le lendemain, le 3 mai, le leader palestinien poursuit son marathon diplomatique. Place de la Concorde, au troisième étage de l'hôtel Crillon, où il est logé, il reçoit des représentants religieux, des responsables d'associations et des personnalités politiques de droite comme de gauche. Pendant 2 jours, on voit passer Jean Sauvagnargues, ancien ministre des Affaires étrangères de Giscard d'Estaing, Pierre Mauroy ou Georges Marchais, par exemple. Georges Marchais, qui s'exprime au micro de Pierre Veil de France Inter. Je pense que les réponses qu'il a apportées hier au président de la République à propos de la charte en utilisant le mot caduc, qui est un mot bien français, et les Français savent ce que cela veut dire. Je crois que véritablement l'OLP avec Yasser Arafat viennent de prendre toute une série d'initiatives qui sont de nature à faire avancer la cause du peuple palestinien. La droite, encore mal en point après sa défaite de 1988, fait front de manière dispersée. Jacques Chirac, l'ancien candidat, est en visite aux États-Unis. Il se tient à distance du débat et déclare juste que la solution ne peut venir que du chef du gouvernement d'Israël. À l'Assemblée nationale, c'est le républicain François Léotard qui prend ses responsabilités et qui interroge le ministre des Affaires étrangères lors de la séance traditionnelle des questions au gouvernement. Était-il opportun, monsieur le Premier ministre, de procéder à cette invitation au moment même où le gouvernement israélien s'engage dans un processus d'élection sur les territoires qu'il contrôle? La France peut-elle se ranger du côté de ceux qui refusent les élections contre ceux qui les proposent? Où l'on choisit, comme nous l'avons fait et comme nous continuerons de le faire, de dialoguer avec toutes les parties concernées pour les aider elles-mêmes à nouer entre elles un dialogue, où on se refuse au dialogue et partant se prive de la possibilité de faire œuvre utile. Je respecte autant que vous-même, monsieur Léotard, les sentiments de la communauté juive que vous avez évoqués. Nul ne peut mettre en doute l'amitié qui nous unit à Israël. Et c'est précisément parce que nous avions à l'esprit ces préoccupations qu'il était important de vérifier au niveau le plus élevé de l'OLP, les positions dont je viens de faire état ici même devant la représentation nationale. Depuis quelques semaines, les autorités israéliennes prônent une autre solution. Tout en réprimant toujours plus violemment l'intifada, Itzhak Shamir, le premier ministre israélien, propose la mise en place d'élections dans les territoires occupés. Les USA sont pour, la France, elle, refuse d'abandonner l'idée d'une conférence internationale avec l'OLP. C'est tout l'enjeu de cette visite. Réaffirmer Yasser Arafat comme le seul interlocuteur possible, et c'est chose faite. Lors d'une conférence de presse, les journalistes du monde entier interrogent le représentant palestinien sur la déclaration de la veille. On revient à la même question, la question centrale. Qu'entend-il par caduc? Ira-t-il jusqu'à l'abrogation de la charte? الميثاق كادوك. Et ceci fait que la charte devient caduque. But what does caduque mean? You translate it. You can translate it from Larousse. C'est traduit dans Larousse, effectivement. La diplomatie est un art des mots et des formules. Tout l'enjeu est d'en comprendre le sens et la portée en fonction de ceux qui les énoncent. Au soir de son départ de Paris, après une rencontre avec le Premier ministre Michel Rocard et un hommage rendu au cimetière du Père-Lachaise à Mahmoud Amchari, premier président de l'OLP assassiné en 1973 à Paris, Yasser Arafat répond une dernière fois à une interview télé, cette fois avec les journalistes de France 3. Et là, il fait le bilan de sa visite, remercie le président français et tend désormais la main à celui des États-Unis. Je n'ai pas de point à l'ordre du jour sur mon agenda. Je parlerai de visite aux États-Unis, bien entendu. J'accueillerai favorablement un rôle positif des États-Unis en tant que superpuissance, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, et puis en tant que pays qui a un rôle à jouer dans la région du Moyen-Orient. Mais ce que je peux dire au président Bush, c'est que nous attendons de lui le même rôle joué par Eisenhower en 1956 lorsque celui-ci avait demandé aux Israéliens de se retirer des territoires palestiniens occupés. Yasser Arafat quitte Paris. La capitale retrouve ses rythmes habituels. La circulation n'est plus bloquée, enfin un peu moins, par les manifestations des pro et anti-Arafat. Les quartiers juifs rouvrent leurs magasins. Dans chaque camp, on range les drapeaux et les portraits. La bataille se passe désormais ailleurs, là-bas, en Palestine, et dans les salons des ministères des Affaires étrangères. En Israël, quelques jours plus tard, le 15 mai 1989, le gouvernement israélien adopte le plan Shamir d'élections libres et démocratiques en Cisjordanie et à Gaza. Mais la répression sur ces territoires se poursuit. Lors d'une conférence de presse, François Mitterrand se félicite de cette visite et des avancées obtenues. En effet, M. Yasser Arafat, ce n'est pas une nouvelle. Un peu tard. Pourquoi un peu tard? Parce que j'entendais précisément bien marquer les termes de ce que j'avais déjà dit en 1982 à la tribune de la Knesset, le Parlement israélien à Jérusalem. À savoir que j'avais besoin d'une garantie sur la reconnaissance de l'État d'Israël. Nous avons mené une politique active et nous continuons, un peu tardive, sur le plan de M. Yasser Arafat, mais qui n'a quand même pas manqué son objet, si j'en juge par les réactions multiples que cette réception a provoquées. Quand les esprits se seront reposés, quand on aura bien réfléchi à la situation présente d'Israël et au conflit israélo-arabe, quand on aura constaté à quel point la France est fidèle à ses engagements et entend défendre les justes intérêts d'Israël, je pense que ces mauvaises humeurs se dissiperont et que le doute laissera place à la confiance. Le chemin de la paix est encore long, parsemé d'obstacles. Il faudra attendre 4 ans pour que le chef de l'OLP, le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, en l'occurrence, se serre la main à Washington le 13 septembre 1993. 22 ans après, ces accords ont échoué. Arafat n'est plus, tout comme François Mitterrand. L'avenir du Proche-Orient est le fardeau de nouvelles générations, de nouvelles organisations, de nouveaux hommes politiques là-bas, à Jérusalem et à Gaza, mais aussi en France. Un jour, deux États cohabiteront dans la paix et la sécurité au Proche-Orient, car la raison finit toujours par l'emporter. Et c'est bien ce projet qui était au centre de la visite à Paris de Yasser Arafat. Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean. Ma jolie, j'ai une maison à la fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à la fontaine, where we will live, you and me. Oh Louise, oh, ma jolie Louise, tous les matins au soleil, I will work till the work is done. Tous les matins au soleil, I did work till the work was done. And one day, the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh, no, no, no, no. And the rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone, and so is Louise. On patio, did it go near la ville de Toronto? Now my tears, they roll down tous les jours. And I remember the days and the promises that we made. Oh, Louise, my jolie Louise, my jolie Louise. Bonjour Jean-Pierre Filieu. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes historien spécialiste du Proche-Orient et en particulier du Proche-Orient contemporain, ce qui englobe évidemment la période que nous racontons. 1989, dans cette longue histoire du conflit israélo-palestinien, c'est une date importante. Est-ce que c'est une date capitale ? C'est une date importante pour la relation entre la France et la Palestine. Et dans la cohérence tout à fait exemplaire du parcours de François Mitterrand sur ce dossier qui l'a énormément mobilisé. C'est ce que j'avais qualifié dans un livre sur Mitterrand et la Palestine de troisième sauvetage d'Arafat après le premier sauvetage de Beyrouth en août 1982 contre l'armée israélienne et le deuxième sauvetage de Tripoli au Nord-Liban en décembre 1983 contre l'armée syrienne. Et là, d'une certaine façon, c'est le sauvetage contre les durs de tous les camps, les durs du camp israélien, mais aussi les durs du camp arabe et de la République iranienne, qui veulent littéralement la peau d'Arafat, si ce n'est physiquement, politiquement. Pourquoi l'Iran veut-elle la peau de Yasser Arafat ? Ben, on voit dès cette époque, et ça n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui, que cette république qui se dit islamique et qui n'a jamais pesé auparavant sur le monde arabe, eh bien, elle joue la surenchère, elle joue les extrémistes palestiniens, elle joue les islamistes, elle joue le Hezbollah pour justement déborder le mouvement nationaliste qu'est l'OLP. Et on a aussi la Syrie du père Assad. On a la Libye de Kadhafi, donc une espèce de syndicat des durs qui veut tout faire pour qu'Arafat n'arrive pas à ses fins. Et donc ces pays-là ne veulent pas d'un processus diplomatique, ils veulent la destruction d'Israël. C'est, là, c'est dans la pensée de l'Iran, et ça l'est encore, ça a été dit. Hein. Donc Arafat est un empêchement pour eux. Arafat est surtout un empêchement pour prendre le contrôle de ce qui est et qui demeure, quoi qu'on en dise, la grande cause du monde arabe et du monde musulman, la cause palestinienne. Arafat l'incarne et il a rendu aux Palestiniens non seulement une visibilité, mais la possibilité d'exercer ce droit à l'autodétermination. Et si je disais démocratique, c'est parce que juste avant la visite à Paris, on a effectivement cette réunion d'Alger, avec la reconnaissance implicite de l'État d'Israël, mais aussi la proclamation de l'indépendance virtuelle de la Palestine comme État démocratique, reconnaissant la liberté de conscience et s'appuyant sur un régime parlementaire. Et le symbole est très fort parce que celui qui a rédigé cette déclaration d'indépendance est le plus grand des poètes palestiniens, Mahmoud Darwish, qui réside à Paris et qui, à l'occasion de la visite d'Arafat, va retourner à Tunis pour l'accompagner dans l'avion et descendre avec lui, comme vous l'avez rappelé sur le tarmac de l'aéroport parisien. Et il est, ce Mahmoud Darwish, l'homme qui incarne cet espoir, cette poésie palestinienne malgré tout. Bon, Yasser Arafat est mort. Est-ce que ça veut dire, sans faire de la politique fiction, que si aujourd'hui un État palestinien voyait le jour, il serait gouverné de façon démocratique? Parce que c'est une vraie question. Bien sûr. Et Arafat, malheureusement, a prouvé le contraire quand il a été aux commandes de l'autorité palestinienne de 1994 à sa mort en 2004. Il a accepté les élections où il a été très largement élu, où son parti, le Fatah, a été majoritaire. Mais malheureusement, il a continué de gouverner avec des services de sécurité, des services de renseignement. Il en avait une dizaine qui ont été extrêmement violents dans leurs pratiques. Quand Arafat rentre à Gaza en juillet 1994, le premier mort sous la torture intervient seulement quelques jours après. C'est toujours très difficile dans l'histoire de transformer un chef de mouvement de libération en dirigeant démocratique. D'autant plus, et la critique lui a été renvoyée par les Israéliens, et à juste titre, il avait du sang sur les mains. Il a eu, Yasser Arafat a eu une partie de son combat qui était un combat terroriste. Alors bien sûr qu'on peut changer, bien sûr qu'on peut changer, mais c'est une réalité. C'est une réalité historique, il ne l'a d'ailleurs jamais nié. Quand il intervient à la tribune des Nations Unies en 1974 pour ce discours fameux, il dit « Je tiens dans une main le rameau d'olivier, donc le symbole de la paix, dans l'autre le fusil du combattant, ne laissez pas tomber le rameau d'olivier. Mais du sang sur les mains, il n'y a, et à ma connaissance, aucun dirigeant au Moyen-Orient qui n'en a pas. » Dernière considération avant de faire un saut dans le temps et arriver à 1993, septembre 1993, une date tellement importante. Quel est le tréfonds de la pensée de François Mitterrand vis-à-vis de la situation au Proche-Orient, sachant que son inclinaison israélienne, amicale, il l'avait prouvé avant d'être président, hein, il l'a prouvé après. Et puis alors, il a prouvé aussi qu'il était proche de Yasser Arafat, qu'il était proche des aspirations du peuple palestinien. Donc il est un peu les deux, plus pro-arabe, plus pro-israélien. Difficile à lire. Pour avoir travaillé pendant des années sur le sujet, je suis arrivé à une conviction très claire. Mitterrand est fondamentalement un ami d'Israël. Sa vision du Moyen-Orient est façonnée par Israël. Mais c'est un ami d'Israël authentique. C'est-à-dire qu'il considère que les amis doivent dire la vérité et doivent éviter que Israël soit aspiré dans une spirale démagogique et militariste qui ne peut que ruiner le projet même des pères fondateurs du sionisme. Il l'a dit plusieurs fois, personne, pas même Begin, pas même Shamir, ne fera de moi un ennemi d'Israël. Et pourtant, il a été accusé de tout. On l'a traîné dans la boue. On l'a dénoncé comme assassin de juifs au moment de la tuerie de la rue des Rosiers en août 1982. Les attaques ont été tellement violentes qu'il est resté littéralement choqué pendant 48 heures. Et malgré cela, au lieu de se laisser abattre, il a considéré qu'il était de son devoir, y compris de son devoir d'ami d'Israël, de sauver l'OLP et de sauver donc la possibilité d'une paix négociée entre Israël et la Palestine. Et à la fin de sa vie, il arrive à cette conviction très forte qu'il exprime à Elie Wiesel, ce qui est déjà en soi un geste, entre Israël et la Palestine, le droit est le même. Donc le droit de l'État israélien ne pourra être consolidé que par l'existence à ses côtés d'un État palestinien. Alors, le 21 octobre 1993, nous sommes un mois après les accords d'Oslo, Yasser Arafat est reçu en France par François Mitterrand une deuxième fois, mais alors là, officiellement, hein, en qualité principale de représentant de la nouvelle entité territoriale de Gaza et Jéricho. Donc, à son arrivée à l'Élysée, François Mitterrand l'attend sur le perron. Et là, je vous propose d'écouter un extrait de son intervention dans le journal d'Antenne 2. Il répond à la question « Est-ce que la paix est définitive ?» Nous avons conclu la paix des braves. C'est ce à quoi j'appelais depuis longtemps. C'est ce qui a été confirmé par le Conseil national palestinien en 1988, lorsqu'il a annoncé l'initiative de paix palestinienne et l'instauration de deux États sur ces terres. Nous sommes, après cela, allés à Madrid, malgré toutes les difficultés et les conditions difficiles, et ce pour parvenir à la paix. Et lorsque nous avons connu des moments difficiles à Madrid, nous avons recouru aux canaux secrets, dont l'un, celui d'Oslo, a été couronné de succès et qui nous a permis de faire ce grand pas en avant pour conclure la paix des braves. Et c'est ce à quoi j'avais appelé à plus d'une occasion, exactement comme il y a eu une telle paix entre l'Algérie et la France et qui a été dénominée ou appelée paix des braves. Et c'est la paix des braves entre nous et le président Rabin. La paix des braves. Jean-Pierre Filion se souvient de ce mois de septembre 1993, ce moment historique, on y croyait tous. Je me souviens, à France Inter, on avait envoyé des reporters dans tous les pays arabes auprès des populations et tout le monde disait « ça y est, enfin, on la tient, cette paix introuvable ». Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question difficile parce que la réponse est longue, mais pourquoi ça n'a pas débouché sur une vraie paix? Fondamentalement parce que Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, a été tué en novembre 1995 par un extrémiste juif. Ce jour-là, Arafat est à Gaza. Il apprend la nouvelle avant qu'elle soit officielle et il s'effondre en pleurs en disant « tout est fini ». La paix, ça se fait à deux. À partir du moment où Rabin est mort, Arafat n'a plus de partenaire pour la paix. Il a très vite, face à lui, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre actuel, qui sera Premier ministre de 1996 à 1999, qui, pendant 3 ans, va systématiquement saboter les accords d'Oslo et qui va d'ailleurs s'en vanter dans différentes rencontres qui sont intervenues depuis. Donc il ne faut pas aller chercher très loin les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, cette paix, elle est encore introuvable. Jean-Pierre Filion, on va se retrouver dans 4 minutes après avoir écouté De La Soul. Ring, ring, ring, c'est le titre et c'était évidemment en 1989. Of dealing with my own biz, how they get my name and number. Then I stop and think and wonder about a plan. Yo man, I gotta step out top. You wanna call me up, take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what if your name and your number, and I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I'd be like, yo, Black, disclaimer to take.

extrêmement radical, comme le cadet qui n'égalerait jamais la gloire militaire de l'aîné disparu. Donc on sent ce complexe de Bibi, comme le surnomment ses partisans, y compris dans son rapport extrêmement erratique à la violence militaire. On l'a vu l'été dernier à Gaza, où malgré l'ampleur des destructions totalement effroyables, sans précédent, 2000 morts en quelques semaines, eh bien Israël n'est arrivé à aucun des objectifs militaires qu'il s'était fixés. Donc un leader politique, un manœuvrier hors pair, mais quelqu'un qui est sans doute plus à l'aise à la tribune du Congrès américain qu'au Proche-Orient et évidemment à la table des négociations. Enfin, il est quand même élu de façon démocratique, ça veut dire que ce qu'il est et ce qu'il fait, c'est quand même le reflet de la pensée majoritaire du peuple israélien. La pensée majoritaire, je ne crois pas. Israël donne avec constance dans tous les sondages d'opinion une majorité pour la solution des deux États. Ce qui se passe, c'est que cette majorité ne peut pas se traduire dans le système politique parce que le système politique israélien est profondément biaisé, et Eli Barnavi l'a décrit merveilleusement. C'est un système de partis qui veut dire que les machines politiques, comme celle du Likoud pour Benjamin Netanyahou, en fait préemptent le vote au suffrage universel des Israéliennes et des Israéliens. Bien, nous allons boucler la boucle et terminer avec une archive qui nous renvoie aux relations entre la France et le Proche-Orient, entre la France et les Palestiniens. Une archive toute récente, 2 décembre 2014, l'Assemblée nationale a voté la reconnaissance de l'État palestinien. Bien, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview d'Harlem Désir à la sortie de la séance. La France considère que la reconnaissance de l'État palestinien devra venir dans le cadre d'un accord négocié entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est un appel à la paix, c'est une condamnation des extrémistes, c'est une volonté de vraiment déboucher sur une solution. Nous voulons que demain, il y ait un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël qui vive dans la paix, dans la sécurité, dans des frontières sûres et reconnues, avec capitale comme Jérusalem, de ces deux États. Et pour cela, il faut relancer le processus de négociation. Et je crois que c'est le sens profond du message qu'a émis l'Assemblée nationale. Et la parole d'Harlem Désir est celle du gouvernement, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une parole comme ça? C'est vrai, c'est une déclaration de bonne intention, hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça montre une impuissance quand même diplomatique des pays par rapport à ce problème si compliqué du Proche-Orient, si compliqué. Comme historien, je ne crois pas que le problème soit si compliqué. Ah, c'est intéressant. Mitterrand avait justement prouvé que c'est avant tout une affaire de volonté. La volonté, il l'a démontré en 1989. En 1989, on a effectivement invité Arafat à Paris. En 2014, on a interdit de manifester pour Gaza à Paris. Effectivement, en un quart de siècle, on n'a pas vraiment progressé. Une affaire de volonté politique, on retiendra cette leçon, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Pierre Philippe pour vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la visite de Yasser Arafat en France en 1989. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction et ce sera autour du célèbre cardiologue Christian Barnard.